Chapitre deuxième, violence. Quand à l'heure de la prière, Mademoiselle de Pelloir descendit dans sa cabine, malgré toutes les observations que lui fit sa tante. Dussonville était monté sur le pont et avait allumé un cigare. Le révérend monta sur la passerelle, près du capitaine, et tout le monde se découvrit. Seul Dussonville garda fièrement son chapeau sur sa tête. Il y eut un long murmure d'indignation. Des voix irritées crièrent « Chapeau bas !» Dussonville ne se découvrit pas. Le capitaine appela son second et lui donna un ordre. Le second grimpa sous la dunette et dit avec raideur « Monsieur le capitaine, vous sommes doté votre chapeau de descendre au salon. » Dussonville répondit très haut. « Je restais au salon à l'heure du God Save the Queen. On me l'a reproché, par esprit d'intolérance, mais j'ai résolu de protester et je proteste. » Le second n'eut pas besoin de rapporter ses paroles au capitaine. Celui-ci avait entendu, il accourut comme un dogue. Toute la brutalité de l'Anglais qui se croit fort s'affirma sur sa bestiale figure. Décidément, voulez-vous oui ou non vous découvrir? Non. D'un revers de main, le capitaine fit sauter le chapeau de Dussonville. Mais il reçut aussitôt un maître soufflet qui le coucha sur le plancher. Puis d'un coup de pied, Dussonville l'envoya rouler sur le pont quand il fut à demi relevé. Un cri de colère s'éleva. Au fer! Criaient avec rage les passagers et l'équipage. Et par-dessus toutes les autres, on distinguait la voix glapissante de la révérende. Mais superbe, Dussonville étendit le bras d'une façon si impérative que l'on se tut pour entendre ce qu'il voulait dire. « Le capitaine m'a frappé, et j'ai riposté, étant en cas de légitime défense. Et vous voulez me mettre au fer? Malheur sur vous tous, si cette menace s'exécute. » Puis lentement, « Quelqu'un ici proteste-t-il en ma faveur? Moi ! » s'écria une voix. C'était celle de Mademoiselle de Pelloir. Dussonville la salua. Mais le capitaine qui s'était relevé avait envoyé une escouade de matelots qui s'empara de Dussonville. « Je proteste, dit celui-ci, contre la violence qui m'a faite. Dieu, que vous allez prier, la punira cruellement avant peu. » Au maître d'équipage, « Je vous suis. » Il disparut par l'écoutille, conduisant en fond de cale, où on lui mit les fers. Pendant que l'on fermait les cadenas, les passagers et l'équipage chantaient les cantiques d'action de grâce. « Que ton nom soit loué, Seigneur. L'impie a reçu son châtiment. » Mademoiselle de Pelloir pleurait d'indignation dans sa cabine.